toi que du feu, à croire que t'as de la merde dans les yeux. Nous vivons prisonniers dans le ventre d'un chien. Qui jouait la guitare tous les dimanches matins sur mon visage. Et toi, tu n'y vois que du feu, à croire que t'as de la merde dans les yeux. Sur une petite balade à Paris, un mois d'août, après une nuit, disons, comment dire, agitée. Boulevard de Clichy. j'ai tué quelqu'un. Je marche dans tes cheveux. sans trouver mon chemin. Jusqu'à la destin, avec l'aide des dieux. Si tu savais, je fais nuit. J'embrasse tes ancêtres sur la bouche dorée. Et toutes les terres qu'ils ont un jour foulées, je les embrasse pareil, un nouveau-né. Puis je pleure un peu, pauvre con que je suis. Si tu savais, je fais nuit. Si tu savais, toi, ton fantôme, qui n'est tellement fausse, mais lui en royaume, sauvage et délicat, reste dans mes bras. Je vais, je nage dans tes yeux comme en océan, je marche dans tes cheveux sans trouver mon chemin jusqu'à tes seins avec l'air. Je sentais de l'automne américain, une nuit vive comme un train. Elle m'est apparue, où je l'ai reconnue, brisant la foule d'un pas flottant. La Sainte Vierge, juste devant moi qui me tendait les bras. La Sainte Vierge. Sainte-Vierge, belle comme une ligne crête, ronde comme une pasteur. Sainte-Vierge. Puis, je l'ai invitée à boire un drink, à la boutonne. Elle disait des phrases, mais c'était des ondes que mes yeux entendaient, que mes oreilles voyaient. C'était des ondes. C'était rentrer des ombres. Puis j'ai voulu l'embrasser. Ça l'a refusé. Quelques documents. Et elle s'est cassée. Prise dans la foule, d'un pas flottant. C'est une histoire vraie. Je ne la dis jamais. De toute façon, qui me croirait? C'est une histoire vraie. Je ne la dis jamais. De toute façon, qui me croirait? Thank you. Merci. Je veux bien vous présenter l'orchestre ici présent. Au clavier. Bravo. Oui, ouais. Pour la guitare, Philippe Evno. À la batterie, Steve Agriès. Et à la basse électrique, je remets la contrebasse. On attend un tout, un autre. Christophe Mac, disco. beaucoup. C'est quoi, c'est un peu longtemps? Hier, c'était des saucissons en Limoges. Ah, ça nous change, hein? Des insectes merveilleux sur des visages adolescents et absolument consentants. Soyez nombreux à ces deux rendez-vous précités. Hein? J'attends. Je vais me sentir un peu seul sinon. Hein? Bon, maintenant, une chanson sur une bestiole tout à fait consommable que je crois que vous appréciez beaucoup dans cette région. Mmh. Canard. Canard, vous préférez ? Ouais. Bon, le canard, numéro. Ouais. numéro 728120. Poulet de Vendée, élevé en plein air, 89 jours et 80 petites nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté à 75% de céréales. Le 8 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, en Vendée, lavé, conditionné, électrocuté, vidé, labellisé le poulet. Le 10 décembre 1998, 48 heures après cet événement, j'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher chauve rue de la Bastille à Nantes. Je le mangeais chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'adorais. Numéro 728120. Je t'aime. Je pense à toi. C'était beau. jardin métallique, invisible mer optique, tellement microscopique. Durerait une petite laine. Bon, si vous voulez danser, c'est peut-être le moment. Moi, je vais m'exécuter. Toutes les étoiles, la robe boréale, je te donne ce que je n'ai pas. Et que tu prends tout droit, toujours. Même toi, toujours. Alors tu t'en fous, mon petit chou. Oh, les anges blonds, les nuits sans fond. Je te donne toutes les saisons. J'ai l'impression d'être vieux au fond. Dans les rues.

Inutile. Ma mère me disait souvent, mais tu es né dans une guitare. Je sais que vous êtes si très rare, hein. Mais c'est ce que tu joues vraiment bien. Je me dirais ça demain, peut-être pas, j'ai dit ça à Bordeaux. C'est moi, je suis ici. On était des milliers au barbecue de l'Élysée, tous de blanc vêtus, toutes en bonne nuit, et les gens se baignaient dans des bains de champagne, les gens se caressaient sur les tissus plats, il y avait Frank Sinatra, Madonna et Jean 23, Gershwin au piano et Yoko Ono. Il y avait Woody Allen, il y avait Eminem, Charles Trenet, ce que je faisais là, je ne le savais pas. On était des milliers au barbecue de l'Élysée et on faisait l'amour. Et c'était très glamour, mais au bout de la nuit, j'ai marché dans Paris, j'ai rencontré un gars, et j'ai raconté tout ça, il y avait Françoise Hardy, avec Louis Ferrari. Qui je l'ai embrassé, je l'ai déjà oublié. Ce que je faisais là, je ne le savais pas. J'ai raconté tout ça et je suis rentré chez moi. Femme. Et qui nous sauve. Thank you. ne sais si j'avais ma mère. J'étais si bien sans vous. Dans les journées ensoleillées, comme je sentais tout à coup mon cœur chaviré en regardant les ombres danser et les autos circuler. Je pensais bien que j'oublierais. Tous les endroits où je vais m'amener, quand la nuit tombera, je replierai mes bras et j'aurai vu jusqu'au bout quelque chose de moi que vous m'aimez. Passer encore dans les mœurs, faites qu'une femme puisse écrire vraiment. Bon, alors, auteuse, compositrice. Non, mais je dis ça en faveur. J'ai l'impression d'être très mal compris. Non, ça va? Bon, alors, cette petite, elle s'appelle Boulette, elle a 12 ans, elle fait des chansons, et que j'aime beaucoup. Alors, bah, on a décidé de reprendre. Je vais lui rendre hommage ce soir à Bordeaux. Sans vivre, qu'est-ce qu'il y a? bel amant de Royan. Ah oui, oui, je me souviens de ça. Tout en plein hiver, dans ouais, le vent. Ouais. Mais je me souviens pas des accords. Bon. Une chanson vendéenne, alors. Oui, mais... C'est le nom. Bon, alors, qu'est-ce que... Je vais peut-être chanter un petit duo, voilà. Ouais. Monsieur voilà, je vais faire ça. Ouais. Mr. Catherine, n'êtes-vous pas un romantique? Mr. Catherine, parlez-vous anglais? Mr. Catherine, que l'importance. Quelle importance nous ne nous reverrons jamais. Hey, Mr. Catherine, je voulais vous dire autre chose. Je ne me souviens pas exactement ce que je voulais dire. Dansez-vous au paradis, dans la dancing, fumez-vous la marijuana, Mr. Catherine, parlez-vous anglais, Mr. Catherine. John Lennon. Et voilà, c'est une reprise de Boulette.